Une année dans la vie de grand reporter, c'est tout de suite dans du grain à moudre. Bonsoir Edith Bouvier. Bonsoir. Vous êtes journaliste indépendante, vous travaillez pour la presse écrite essentiellement, notamment le journal suisse Le Temps, également Le Figaro. Vous étiez en Syrie il y a encore quelques jours, vous êtes rendu également plusieurs reprises cette année en Tunisie, puis en Somalie et au Kenya pour couvrir la crise humanitaire dans la corne de l'Afrique. Pour discuter avec vous ce soir, un photographe, reporter photographe William Daniels, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, cette année, vous êtes notamment allé au Japon et en Tunisie, même si ce n'était pas tout à fait au début de la révolution. C'était pour Time Magazine. Vous avez également signé un reportage photo pour le magazine Polka auprès des insurgés libyens. La Libye, vous êtes rendu à deux reprises cette année. On peut voir un large aperçu du travail sur votre site williamdaniels.net. Edith Bouvier, si vous n'étiez pas à Paris ce soir et que vous deviez exercer votre métier de grande reporter, vous aimeriez être où ? Je serais encore en Syrie. Même si la situation sur place se détériore de jour en jour, c'est un des reportages qui, parce que c'est aussi le plus récent, mais qui m'ont le plus marqué par la douleur que ces gens vivent chaque jour, par la force dont ils témoignent à chaque instant, par les rires qu'ils ont, même en pleine guerre, même au plein milieu d'un combat, c'est le lieu, oui, où j'ai envie d'être. Vous êtes revenu de Syrie il y a une dizaine de jours. Vous êtes revenu parce que vous ne pouviez pas rester plus longtemps ? Parce que ce genre de terrain, on ne peut pas y rester très longtemps. En tout cas, moi, personnellement, exerçant seule, femme, avec des moyens de freelance donc assez limités, j'ai besoin d'y rester. Là, j'ai été une dizaine de jours, de revenir, de repartir, pour reprendre des forces. Il y a besoin de rentrer, de refaire, de se nourrir un peu, de remettre les batteries à plein et de repartir. Alors, les batteries à plein, c'est ce que vous avez fait aussi dernièrement, William Daniels. Si vous deviez repartir, là, aujourd'hui, mardi 27 décembre, allez, on vous paye un billet d'avion pour aller couvrir en photo un événement, un moment ou peut-être pas un événement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous choisiriez ? Je n'ai pas trop réfléchi à cette question, mais peut-être la Syrie, pourquoi pas ? Alors, je crois que c'est quand même assez dangereux en ce moment, mais Pourriez y aller à deux avec Edith Bouvier. Mais pourquoi pas, ouais. Mais en tout cas, mon attention est pas mal de ce côté-là en ce moment parce que ouais, ce qui se passe là-bas, c'est assez important. Et puis il n'y a pas énormément de reportages, pas beaucoup de journalistes qui y vont. Et ouais. Et puis bon, je pense qu'il faut raconter ce qui se passe là-bas, quoi.